Lucie, est-ce qu'après tout tu m'aimes? Lucie, voudrais-tu être ma reine? Car moi, je suis fou de toi. Moi, je suis déjà ton roi. Mais Lucie, est-ce qu'après tout tu m'aimes? Lucie, crois-tu que j'en vaux la peine? Et moi, je suis fou de toi. Moi, j'y crois. Et Lucie, est-ce qu'après tout tu m'aimes? Lucie, voudrais-tu être ma mienne? Car moi, je suis fou de toi. Moi, je suis déjà tout à toi. Et Lucie, est-ce qu'après tout tu m'aimes? Lucie, voudrais-tu être ma reine? Car moi, je suis fou de toi. Moi, je crois que Lucie, je crois que tu m'aimes. Lucie, je crois que tu m'aimes. Et moi, je suis fou de toi. Moi, je suis déjà ton roi. Alors Lucie, je crois que tu m'aimes. Lucie, oui, je crois que tu m'aimes. Et moi, je suis fou de toi. Ma reine, et moi, je suis fou de toi.